Chanzara, salut à toi le Guatemala, salut le PK du contingent, salut à toi le Chotokan, salut à toi peuple Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est Japon, salut à toi le jeune malgache, salut à toi le peuple basque, salut à toi qui est violon, salut à toi et Morocon, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois. Salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du Crazy Horse, salut à toi la vache qui rit, salut à Laurel et Hardy, salut à toi peuple nomade, salut à tous les camarades, salut à toutes les mères qui gueulent, salut aussi à Yul Brunner, salut à toi l'handicapé. Salut jeunesse du monde entier. Salut à toi tonton Albert, salut à toi le dromadaire, salut à toi qui a la masse, salut aussi à Fantomas, salut à toi Roger Desprez, salut à toi lundi manger, salut à tous les paysans, salut aussi à Rotomblon. RQC. Il est 9h. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur RQC, RQC 95 FM, la dernière radio libre de la région de Moucron. Et comme on est le mardi matin à 9h, vous y êtes encore mieux sur RQC, puisque c'est l'heure de Patchwork, l'émission que vous présente chaque semaine votre serviteur Michel, de 9h à 11h30, le mardi justement. Alors j'espère que la semaine qui vient de s'écouler a été bonne pour vous et vos proches. Je sais, c'était la semaine suivante, la Toussaint. Toutes ces semaines ne sont pas sans doute les plus folichonnes de l'année, mais il faut bien faire avec, n'est-ce pas? En tout cas, aujourd'hui, nous sommes déjà le 14 novembre et maintenant, ce sont les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas. Alors, pendant les 2h30 qui vont suivre, je vais essayer de vous faire passer un très bon moment, tout en musique, avec les chansons que j'ai choisies pour vous cette semaine, les chansons qui dateront aussi bien des années 30 que 40, 50, que des années 60, 70, 80 ou 2000. Vous voyez que la palette est large, ben oui, cette émission ne s'appelle pas Patchwork pour rien, hein. Mais

upstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. Oh, we gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, is leaving, never a thought for ourselves. Oh, we struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? He's having, didn't know it was wrong. Fun is the one thing that money can't buy. Something inside that was always denied for so many years. She's leaving home. Bye-bye. Après les années 50 et les années 60, on passe maintenant aux années 70 avec Jeanne-Marie Sens. Jeanne-Marie Sens qui aura 80 ans dans quelques jours. À presque 35 ans, elle commence à enregistrer des disques tout début des 70s. Des disques dont les chansons sont aussi écrites par elle-même. Quant à la musique, elle laisse le soin à d'autres de la composer car ce n'est pas son fort. Hein. Le texte des chansons de Jeanne-Marie Sens sont d'une inspiration poétique, mélancolique et toujours réfractaire à un monde qu'elle trouve de plus en plus déshumanisé. Qu'est-ce qu'elle peut bien penser du monde de 2017, je me le demande. Son premier succès date de 1973. La chanson en question s'intitule « En plein cœur » et c'est elle que nous allons écouter dans un instant. En 77, c'est déjà le déclin pour elle. Elle a alors 40 ans et elle s'arrête d'enregistrer au début des années 80, pour se mettre à éditer des livres, puis à écrire elle-même au début des années 90. Allez, assez papoté comme ça, je vous laisse pour 3 minutes 50 en compagnie de Jeanne-Marie Sens, en plein cœur. À vivre sous les verrous. Je veux au bout du compte, et même si c'est raté, pouvoir chercher le livre qui dit la vérité. Et oublier les belles voitures et le fric, la retraite et les flics, la politique épique. Oublier la sécurité sociale, les allocations familiales, la promotion idéale. Quand je vois cette ronde qui tourne autour de nous, moi je veux être libre par-dessus tout. Je veux briser mes chaînes, et même si c'est raté, pouvoir trouver le livre qui dit la vérité. Et oublier les impôts, les militaires, les rubans aux boutonnières, la mode avec ses critères. Oublier les hypermarchés tout en grâce, au long qui nous enlace, vorace. Oublier la presse, le sexe, la télé, les HLM mortifiés, et bien sûr la publicité. Magnifique, aux mille projets utopiques, au faux langage philanthropique. Liza Minnelli a désormais 71 ans, elle est la fille de Judy Garland et du metteur en scène italien Vincente Minnelli. Fred Astaire disait d'elle en 1974, dans le film documentaire « Il était une fois Hollywood », je le cite, hein, « Si Hollywood était une monarchie, Liza Minnelli serait notre princesse héritière ». Beau compliment de la part de Fred Astaire. Il faut dire que 2 ans plus tôt, en 72, Liza crevait littéralement l'écran dans le film « Cabaret » réalisé par Bob Fosse. Elle triomphera encore en 77 dans le film New York, New York, puis elle rencontrera de nombreux problèmes de drogue et d'alcoolisme qui nuiront beaucoup à sa jeune carrière. Aujourd'hui, on va écouter ce qui devait être son ultime succès international. Après de longues années d'absence, Liza revenait enfin sur le devant de la scène avec ce tube composé spécialement pour elle par les célébrissimes Pet Shop Boys. La chanson date de 1989 et elle s'intitule « Losing My Mind » en français, ça veut dire « En perdant ma raison ». I think about you. I want you so, it's like I'm losing. Ça fait maintenant des décennies que Michel Polnareff nous promet un nouvel album de chansons originales. Mais comme il a maintenant 73 ans et qu'il n'est plus vraiment en pleine santé, on commence à se demander si ce fameux album sortira un jour. Polnareff, qui a connu sa période de gloire dans les années 60, 70 et 80, n'a écrit récemment, si on peut dire, qu'une seule vraie chanson originale. C'était en 1999 et cette chanson qu'il avait sortie en CD single a pour titre « Je rêve d'un monde où un ami love ». Et je vous propose de l'écouter là, tout de suite, sur RQC. Voici donc l'une des toutes dernières productions originales Michel Polnareff. Ça date quand même déjà d'il y a 18 ans. Hein. Je rêve d'un monde sans guerre et sans misère, un monde qui serait rien que pour nous et qui sera un monde sans haine, sans race ni frontière, un monde qui serait rien que pour nous et qui sera. Sera ce qu'il y a de mieux ici-bas. Oh, que pour nous, qui un ciel sans nuages et sans colère, un ciel qui serait rien que pour nous, et qui sera. Nolwenn le Magrès, dite Nolwenn tout court, puis Nolwenn le Roi, est née à 35 ans de cela dans le Finistère. Elle suit une formation musicale classique et à 20 ans, elle gagne la deuxième édition de la célèbre Star Academy en 2002. La première édition, celle de 2001, avait été remportée par Jennifer. Depuis 2002, Nolwenn a déjà sorti 6 albums en 15 ans. Elle vient par ailleurs d'avoir un premier enfant avec son compagnon, le tennisman Arnaud Clément. Un petit garçon né en juillet dernier qui se prénomme Marin. Marin, un prénom tout indiqué pour le fils d'une Bretonne. En même temps, Nolwenn a récemment sorti son 6e album, un opus intitulé J'aime. J'aime écrit G-E-2-M-E comme une pierre précieuse. Mais aujourd'hui, c'est l'extrait de son 3e album que je vous propose d'écouter, un album inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, et intitulé Le Cheshire Cat et moi, qui est sorti en 2009, juste avant le triomphe de son album Bretonne, sorti lui en 2010. Moi, je préfère de loin l'album plus confidentiel de 2009, et j'en ai extrait pour vous cette chanson, dont le titre est « Faut-il, faut-il pas ?» Eh bien, personnellement, j'en sais rien, hein. Thank you. peut-être un jour à le regretter. Entre glaise et firmament, je suis un élastique qui s'étire, se tend. Je suis pas à mon aise. Tous tes dilemmes, tous tes malaises. Pourquoi faire un choix, la peste ou le choléra? Je suis balance, faut-il, faut-il pas? Le pire des fléaux, je suis un cas. Génération. De cette lieu, petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. RQC. Marlène Dietrich était née en 1901 et elle est morte à l'âge de 90 ans en 1992 à Paris. Sa carrière avait été lancée en 1930 par le film L'Ange Bleu, un film de Josef von Sternberg, où à 29 ans elle jouait le rôle principal, celui de l'entraîneuse Lola Lola. Repérée par la film Paramount, elle part pour Hollywood, où elle tournera encore 6 films avec Josef von Sternberg. Elle y incarne le plus souvent une femme fatale qui fait le malheur de ses amoureux. Hein. Et pendant cette période hollywoodienne, Marlène tourne avec des réalisateurs aussi prestigieux que Fritz Lang ou Alfred Hitchcock. Après, les rôles se faisant plus rares dans les années 60, elle se consacre désormais au musical jusqu'en 75, faisant plusieurs fois le tour du monde avec son tour de chant. Son succès est énorme, hein, notamment dans les pays anglo-saxons. Pendant les 15 dernières années de sa vie, elle vit volontairement recluse dans son appartement parisien du 12 avenue Montaigne, afin de protéger son image qui se dégrade évidemment avec l'âge. Elle ne voit plus alors que sa fille unique et quelques fidèles amis, parmi lesquels figurent Jean-Jacques Debout et Jean-Claude Brialy. Aujourd'hui, c'est la chanson la plus connue du film L'Ange Bleu qu'on va écouter. Elle s'intitule « Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe angestellt ». En français, « Je suis faite pour l'amour de la tête aux pieds ». Yeah. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. C'est donc à l'instant notre petite séquence cinéma d'aujourd'hui avec cet extrait de L'Ange Bleu, et c'est bien entendu Marlène Dietrich qui chantait. Et sans transition, on s'en va maintenant faire un petit tour dans les années 60 avec Nancy Sinatra et Lee Hazlewood. Nancy Sinatra, la fille de Frank, bien sûr, a aujourd'hui 77 ans déjà. Quant à Lee Hazlewood, il nous a quittés en 2007 à l'âge de 78 ans. En 65, les deux artistes entament une fructueuse collaboration, enchaînant de très nombreux tubes comme These Boots Are Made for Walking, Jackson, Summer Wine, ou encore ce Lady Bird, datant de 1968. Lady Bird, ça veut dire coccinelle en anglais. Je vous laisse donc pour 3 minutes avec Nancy Sinatra, Lee Hazlewood et la coccinelle. All them skies, kissed the sun, touched the moon, but he left me much too soon. His ladybird, he left his ladybird. Ladybird, come on down, I'm here waiting on the ground. Ladybird, I'll treat you good, I'll Lightning flashed across the sky, the night he taught me how to fly. The sun came up, and then I found too soon he let his lady down. His ladybird, I'm his ladybird. Ladybird, come on down, I'm here waiting on the ground. Ladybird, I'll treat you good, ladybird, I wish you would, you ladybird, pretty ladybird. Mm-hmm.

Il y a une semaine, je vous ai passé une chanson d'Yves Simon intitulée Barcelone. Et pour ne pas me mettre à dos les Espagnols, je vais maintenant vous faire écouter une chanson qui a pour titre Madrid, Madrid. C'est Daniel Fernandez, plus connu sous le nom de Nilda Fernandez, qui l'a composé et interprété en 1991. Ce chanteur d'origine espagnole n'a pas eu la carrière qu'il méritait d'avoir, je trouve. Mais il a voulu suivre des chemins artistiques par trop indépendants, ce qui l'a beaucoup desservi, hein. Alors après la Catalogne, il y a une semaine avec Barcelone, place à l'Espagne maintenant avec Madrid, Madrid et Nilda Fernandez. Mais la Catalogne et l'Espagne, c'est pourtant bien le même pays, il me semble, non ? Une tâche, une ombre. Et dans le désert, des traces de poudre et de safran, des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, le prix que je paye, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Puerta del Sol, station du métro, vers la Plaza Mayor. Je suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi. Et jusqu'au dernier. Ses yeux derrière un éventail. Madrid, Madrid, les choses que je pense sont un petit air d'accordéon bronze quand elle n'est pas avec moi. C'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Toda una tarde en el retiro, echando piedras en farol. Els meus amors se han derretido con tanta luz y tanto sol. Madrid, Madrid, me pongo triste al verlo bien. J'aime de répétir. Et jusqu'au dernier détail. Ses yeux derrière un éventail. Une tache, une ombre. Et dans le désert, des traces de poudre et de safran. Des taxis blancs, des claquements. Un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, me desesperas de tanto mover las caderas. Se van a reír de ti. Et on passe maintenant aux années 2000 avec la chanteuse islandaise Emiliana Torrini. Emiliana Torrini qui a eu 40 ans cette année et qui, bien que née en Islande et comme son nom l'indique, d'origine italienne. Emiliana devient célèbre à 22 ans dès son troisième opus. Et en 2004, elle enregistre un excellent album acoustique intitulé Fisherman's Woman, en français Femme de pêcheur, pêcheur d'Islande sans doute, hein, comme le titre du célèbre roman de Pierre Loti, paru en 1886. Suivra un autre album, moins réussi, je trouve, Me and Harmony, enfin. En 2013, après plus de 5 ans d'absence, pendant lesquels elle prend du recul par rapport à sa carrière qu'elle juge trop envahissante, Emiliana Torrini revient avec un bouleversant album intitulé Tuca. Mais aujourd'hui, c'est l'extrait du célèbre Fisherman Woman que nous allons écouter. Il s'agit de Today Has Been Okay. Aujourd'hui, ça a bien été. Friends tell me it's spring. My window shows the same. Without you here, the seasons pass me by. I know we were not new, that loved like me and you. All the same, I miss you. Après Emiliana Torrini en 2004, on en vient à des temps beaucoup plus reculés, puisque c'est maintenant une chanson de Maurice Chevalier que nous allons entendre. Comme souvent dans ses chansons datant des années 30 ou 40, elle évoque le petit monde de Ménilmontant, ce quartier de Paris où il était né en 1889. Un quartier où il y avait à l'époque pas mal de prostitution. Des chansons comme Prosper Youpla Boum feraient scandale aujourd'hui, hein, parce qu'elles parlent de domination de la femme par l'homme, etc. Et elle présentait le souteneur, le Mac, comme un personnage assez sympathique, hein. Aujourd'hui, on écoute « Ah, si vous connaissiez ma poule », une chanson dans laquelle le personnage qu'incarne Chevalier vante les mérites de sa gagneuse. Ah, non, c'est pas tout à fait ça, excusez-moi. Maurice Chevalier, c'est ici. De Rochechouart jusqu'à Ménilmuche, la rue de Lappe à la rue de la Gaîté, il n'y a pas une môme dans tout Pantruche qui avec la mienne puisse lutter. De tous les côtés quand on l'épluche, on ne trouve rien à lui reprocher. C'est un oiseau rare que roi des vénards j'ai eu le bonheur de dénicher. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez toute la boule. Marlène et Darieux n'arrivent qu'en deux. La Greta Garbo peut aller retirer son chapeau. Ils n'en ont pas à Liverpool, à New York, à Honolulu, de mieux foutu. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, si vous connaissiez ma poule. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez toute la boule. Ces petits seins pervers qui pointent au travers de son poulot vert vous mettent la tête à l'envers. Elle a les jambes faites au moule, des cheveux fous frisés partout et tout et tout. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Si vous connaissiez ma poule. Marguerite de Bourgogne auprès d'elle n'avait que Nîmes comme tempérament. Il faut l'entendre quand elle appelle son petit momo au grand moment. Son corps frissonne d'une façon telle que la maison en tremble également. Et ça vous explique les secousses sismiques dont les journaux parlaient récemment. Et vous connaissez ma peau, vous en ferez à vous. C'est baiser moelleux, font dresser les cheveux. C'est baiser profond, vous font sauter jusqu'au plafond. Il faut la voir quand elle roucoule et qu'on l'entend du fond de Passy crier « Chérie, oh, si vous la voyez, oh, vous me la chipperiez. Ah, ah, ah, mais vous ne connaîtrez pas ma poule. » Et on en revient maintenant aux années 60 avec cette chanson célèbre d'Eddie Mitchell sortie en 66. Il s'agit de Société Anonyme, une chanson qui, plus de 50 ans après sa parution, conserve toujours une certaine actualité. Hein, quand on voit les pratiques de certaines entreprises de nos jours, bon, passons. Les paroles sont signées de Ralph Burnett et la musique est de Guy Mangenta. Voici donc cette célèbre Société Anonyme interprétée par Eddie Mitchell, dit Schmoll, dit aussi Monsieur Eddie. Monsieur Eddy, qui a 75 ans, a sorti le 10 novembre dernier, il y a quelques jours, un tout nouvel album, un disque de duo avec un casting assez prestigieux, puisqu'on y trouve Johnny Hallyday, Laurent Voulzy, Pascal Obispo, Alain Souchon, Julien Clerc, Renaud, Christophe, Maxime Le Forestier, Michel Jonas, William Scheller, Jacques et Thomas Dutronc et le chanteur ostendais Arnaud. Bon, mais assez parlé comme cela, partons vite ensemble visiter la Société Anonyme de Monsieur Eddy. Dans un building de 20 étages, l'été comme l'hiver, tu travailles pour une société de 100 000 actionnaires. Ton nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un

Catherine Lara a eu 72 ans cette année. Elle a reçu dans son enfance une formation classique et elle a commencé à apprendre à jouer du violon dès l'âge de 5 ans. Elle était très très douée et elle a reçu de nombreux prix lors de ses apprentissages. Elle a commencé par créer un orchestre de chambre, un orchestre de musique classique. Et puis elle a désiré s'ouvrir à une musique désormais, disons, plus populaire et elle crée alors le Quatuor Lara. Le Quatuor Lara qui accompagne alors des chanteurs aussi connus que Claude Nougaro ou Nana Mouskouri. La talentueuse Denise Glaser, qui fait alors la pluie et le beau temps en matière de chansons à la télévision française. Denise Glaser donc la découvre et la soutient en l'invitant dans son émission Discorama des 72 pour la sortie de son tout premier album. Mais le grand succès viendra seulement près de 10 ans plus tard, en 81. Elle a alors déjà 36 ans, avec le disque d'or obtenu pour l'album Johan. Johan, dont je vous propose d'écouter la chanson éponyme. À noter que Catherine Lara était l'une des premières artistes à faire son coming out. À Michel Denisot qui lui demandait en 86 « Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ?» Elle avait répondu « Ben, sa femme ». Allez, je vous laisse assez bavarder comme ça. Je vous laisse pour 3 minutes en compagnie de Catherine Lara et de Johan. Je t'ai connu, Johan, aux jours heureux. Tes pères et mères encore très amoureux. Et toi, tu venais, Johan, chez nous. T'as fait souvent des couronnes aux choux. Qu'est-ce que tu fous de ta vie, Johan? On est de fous de la vie. On aurait pu être davantage, mais c'est comme ça, tant pis, c'est dommage. Renaud, qui avait alors un peu plus de 40 ans, décide d'enregistrer un disque en hommage à Georges Brassens, qu'il a admiré énormément. C'est lui, Renaud, qui a sculpté le bas-relief en bronze qu'on peut voir impasse Florimond à Paris, sur le mur de la maison que Brassens a longtemps habité. Cette modeste maison, c'était celle de Marcel et de Jeanne Planche, un couple un peu marginal mais très accueillant qui a hébergé Brassens de 44 à 66. En 1955, quand il est devenu célèbre et un peu plus à l'aise financièrement, Brassens achète la maison et y apporte le confort qui y manquait jusqu'alors. Et en plus, le couple Planche n'eurent plus jamais de loyer à payer ensuite, hein, bien sûr. Dans une très belle chanson datant de 62, Brassens rendait hommage à Jeanne Planche, qu'il avait donc aidée, alors qu'il n'était encore rien, comme dirait M. Macron. C'est la version de 95, interprétée par Renaud, qu'on va écouter maintenant. Chez Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans folie-lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu, s'il n'en existait déjà une. La dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur, en se poussant un peu, reste encore une petite place. La Jeanne, la Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'on y trouve assouvi pour la vie, par la façon qu'elle le donne. Son pain ressemble à du gâteau et son eau à du vin comme de gouttes d'eau. La Jeanne, la Jeanne, on la paye quand on peut des prix mirobolants, un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs, un semblant d'accord de guitare, l'adresse d'un chat échaudé ou d'un chien tout crotté comme pour boire. La Jeanne, la Jeanne, dans ses roses et ses choux, n'a pas trouvé d'enfant qu'on aime et qu'on défend contre les quatre vents, et qu'on accroche à son corsage, et qu'on arrose avec son lait, d'autres qu'elle en serait toute chagrine. Mais Jeanne, la Jeanne, ne s'en soucie pas plus que de Colin Tampon, être mère de trois poules piquées, à quoi bon, quand elle est mère universelle. Quand tous les enfants de la terre, de la mer et du ciel sont à elle. L'anglaise Amy Winehouse fait hélas partie du triste club des artistes disparus prématurément à l'âge de 27 ans, comme Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones et bien d'autres encore, hein. La plupart des artistes avaient commis pas mal d'excès pendant leur courte vie. Pour Amy Winehouse, son addiction à l'alcool et aux médicaments lui aurait été fatale en 2011. Comme elle nous a quittés à 27 ans seulement, elle a assez peu enregistré, deux albums ou trois, je ne sais plus. Mais son deuxième album, Back to Black, sorti fin 2006 en Grande-Bretagne, est déjà devenu mythique. Je vous propose d'en écouter la chanson éponyme. Voici donc Back to Black 2 et par Amy Winehouse. Same old, same bed. besoin d'infos, envie de retrouver un titre diffusé, découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. bonjour@rqc.be. Et on en revient aux années 50 avec Ima Sumac. Ima Sumac qui était cité par Étienne Rodagil dans les paroles de Joe le Taxi qu'il avait écrites pour la toute jeune Vanessa Paradis au début des années 80. Ima Sumac était une descendante reconnue du 23e empereur Inca, Atahualpa, un empereur assassiné en 1533 par les conquistadors espagnols. Ima Sumac est donc péruvienne, elle est morte en 2008 à 86 ans. Elle était surnommée la Castafiore Inca à cause de sa voix très particulière, un peu du style opéra. Elle a enregistré 6 albums originaux pour Capitol Records. Le second de ces albums a pour titre Legend of the Sun Virgin, la légende de la Vierge du Soleil. Il était enregistré à Hollywood en 52. Je vous propose d'en écouter un extrait intitulé Montana. Excuse-moi, ce serait très mieux en 33 tours qu'en 45 tours. En effet, c'est une drôle de voix comme ça. Je mets en 45 tours, excusez-moi. En 35 tours. Voilà, c'est arrangé. Excusez-moi. You're young and bold. Jean Ferrat, qui nous a quittés en mars 2010, a eu beaucoup d'ennuis avec la censure du général de Gaulle dans les années 60. Sa chanson « Nuit et brouillard » est la première de la série à être interdite d'antenne en 63. En effet, en pleine réconciliation franco-allemande, il avait été estimé en haut lieu qu'elle était indésirable, car elle rappelait que les Allemands avaient quand même exterminé 6,5 millions de Juifs pendant la guerre, la guerre 39-45. La chanson « Ma France » subira le même sort en 69 parce qu'il y est fait allusion au massacre perpétré par Adolphe Thiers pendant la Commune de Paris à la fin du 19e siècle. Entre ces deux chansons, « Nuit et brouillard » et « Ma France », la chanson Potemkin a elle aussi été interdite en 65 parce qu'elle donnait le beau rôle aux soviétiques en pleine guerre froide. C'est cette chanson que nous allons écouter aujourd'hui, car sur RQC il n'y a pas et il n'y aura jamais de censure. Voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des quatre vents? Ma mémoire chante en sourdine Potemkin. Ils étaient des marins durs à la discipline, ils étaient des marins, ils étaient des guerriers, et le cœur d'un marin au grand vent se burine, ils étaient des marins sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine, Potemkin. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé? Le crime se prépare et la mer est profonde. Que face aux révoltés montent les fusiliers. C'est mon frère qu'on assassine, Potemkin. Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade, marin, ne tire pas sur un autre marin. Ils tournèrent leurs carabines, Potemkin. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on punit ainsi qui veut donner la mort? M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? Ce soir, j'aime la marine, Potemkin. Bob Dylan est né à Duluth, dans le Minnesota, il y a 76 ans de cela. Je vais pas vous parler, excusez-moi, j'ai oublié d'arrêter le disque. Je vais pas vous parler aujourd'hui de sa longue carrière, ni du prix Nobel de littérature qu'il a obtenu en 2016. Aujourd'hui, c'est uniquement du 18e album du Tim, comme on le surnomme, puisque son vrai nom c'est Robert Zimmerman. C'est donc de ce 18e album intitulé Street Legal que je vais vous parler. Dans cet album, c'est la première fois que Bob Dylan utilise des chœurs gospel sur la plupart de ses titres. Il aime d'ailleurs tellement le gospel qu'à cette période, qu'une de ses chanteuses, Helen Springs, deviendra alors sa maîtresse, sa nouvelle relation amoureuse. On est alors en 78 et le succès de l'album est assez mitigé aux États-Unis. Par contre, c'est un triomphe en Europe, hein, notamment au Royaume-Uni. Je vous propose d'écouter la chanson qui débute l'album. Elle s'intitule « Changing of the Guard ». Yeah. La New Yorkaise Suzanne Vega a déjà eu 58 ans cette année, comme le temps passe vite. Hein. C'est en 87 qu'elle devient mondialement connue avec sa chanson Luca, Luca qui évoquait l'enfance maltraitée. Hein. Cette chanson figure sur le deuxième album de Suzanne Vega, Solitude Standing. Mais dans cet album se trouve aussi une chanson que Suzanne avait composée en 81, mais qu'elle enregistrera seulement 6 ans après. Cette chanson, c'est Tom's Diner. Tom's Diner, c'est le nom d'un célèbre restaurant de New York. À l'origine, cette chanson était prévue pour piano et voix, mais comme Suzanne ne savait pas jouer du piano, elle a décidé de l'enregistrer a cappella. Et ça donne cette curieuse chanson, par ailleurs très réussie, je trouve. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train. Les Rita Mitsuko étaient, comme chacun le sait, un duo d'auteurs-compositeurs-interprètes composé de Catherine Ringer et du regretté Fred Chichin. Fred Chichin qui est mort en 2007 des suites d'un cancer foudroyant. Ils avaient créé ce duo à deux en 79 et étaient déjà très populaires dans les milieux underground quand ils ont connu la véritable notoriété avec la sortie en 85 de la célèbre chanson Marcia Baila. Le look plus qu'original de Catherine Ringer et la musique de Fred Chichin qui sortait vraiment de l'ordinaire leur assurèrent un succès immédiat et durable. Les tubes vont alors se succéder, Andy, C'est comme ça, Les histoires d'amour, et j'en passe. Hein. Les Rita Mitsuko sont toujours là, et là où on ne les attend pas, hein, sur disque comme sur scène. Ils ne se prenaient jamais au sérieux, ce qui était leur grande force. Pour en revenir à la chanson qui les a fait connaître, Marcia Baila, si la mélodie est assez joyeuse, le thème de la chanson est fort tragique, car elle évoque la mort à 32 ans, des suites d'un cancer aussi, de leur amie Marcia Moretto. Marcia Moretto qui était un mannequin argentin, mais aussi une chorégraphe et une femme metteur en scène. Le dernier album des Rita Mitsuko, Variety, sort en avril 2007, mais Fred Chichin tombe malade durant l'été suivant et meurt fin novembre à l'âge de 59 ans seulement. Catherine Ringer, qui avait eu 3 enfants avec Fred, poursuit depuis une assez belle carrière en solo, et à 60 ans tout juste, elle vient de sortir un tout nouvel album. Aujourd'hui, c'est une version acoustique en live de Marcia Baila que nous allons écouter. Ça date de 1996. Comme ta bouche immense quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie, Martia. Donc, c'est fini pour Mérita Botsuko. En 2004, le regretté Michel Delpech avait sorti un album de chansons originales intitulé « Comme vous ». Michel avait connu le succès très jeune. Hein, quand il enregistre son premier grand succès, chez Laurette, il n'a que 19 ans. En 66, il n'a que 20 ans, quand Jacques Brel le choisit pour chanter en première partie pendant les 38 représentations qu'il donne alors pour ses adieux définitifs à l'Olympia. En 67, à 21 ans, Michel Delpech est pris en main par Johnny Stark, le célèbre impresario de Mireille Mathieu, qui lui prodigue de très bons conseils pour bien mener sa carrière. Et en effet, Michel Delpech enchaîne tube sur tube dans les années 70. Et puis après, il sombre dans une dépression profonde qui durera 7 ans, de 79 à 86. Sa carrière en souffrira beaucoup. Hein. En 2004, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sort un nouvel album après 5 ans de silence. Cet album est assez bien accueilli par la critique. Une des chansons de cet opus, intitulée « Comme vous », donc sort du lot. Elle avait pour titre « Nicholson et compagnie », mais elle a été rebaptisée « Jaloux » dès qu'elle a eu davantage de succès. Je vous propose de l'écouter là, tout de suite, sur RQC. Mercredi soir, concert de Austin. Elle devient folle, elle dit « Voilà ». Exactement le genre de type pour qui je craquerais un soir comme ça. Idem avec Jack Nicholson la semaine dernière au cinéma. Elle dit voilà le genre de mec qui me ferait mourir. Est-ce que pas jaloux, Paul Simon, Woody Allen, De Vito, mais je peux plus voir Jack Nicholson, Harrison Ford et De Niro. Un autre soir, j'achète Vogue Homme, elle tomberait devant une photo. Une couverture de Mel Gibson, elle recommence son numéro. Déjà en allant voir Hamlet, j'en voulais à Francis Huster. Elle m'avait dit voilà un mec qui m'aurait plu. Jaloux de Paul Simon, Woody Allen, De Vito, mais je peux plus voir Jack Nicholson, Harrison Ford et De Niro. Ma petite n'est pas comme l'eau, elle est comme de l'acide nitrique. Qui font très mal, mais c'est elle que j'ai dans la peau. Je suis pas jaloux de Paul Simon, Woody Allen, De Vito, mais je peux plus voir Jack Nicholson, Harrison Ford et De Niro. Mais y a des moments où c'est trop. Sans parler de Johnny Depp, de Banderas, de Russell Crowe. Ah, que faire de mon temps libre ? Eh, t'es bien tombé, pile sur RQC. Passionné ? Envie de partager et animer ta propre émission ? Rejoins une équipe motivée et volontaire au sein de la doyenne des radios libres. RQC recrute. Envoie ton courrier à RQC, Animation Média Picardie, au 2A rue Roger Saint-Langros, à 7700 Moucron. Ou par mail à bonjour@rqc.be. Bonjour@rqc.be. RQC. Et après Michel Delpech, en 2004, on en revient à des temps plus reculés, comme le veut le principe de cette émission, avec une chanson que Jean Sablon avait enregistrée en 1953, une chanson qui avait pour titre « Je tire ma révérence ». Jean Sablon, qui est mort en 1994, à 86 ans, est considéré comme le premier crooner français. Dans les années 30, ses prestations scéniques faisaient scandale, car le chanteur osait se servir d'un micro. Les critiques prétendaient alors, à tort bien sûr, qu'il n'avait pas de voix. La chanson « Je tire ma révérence » date en fait de 1938, mais je préfère vous faire écouter la version que Jean Sablon avait réenregistrée en 1954, car le son en est bien meilleur. Vous mes amis, mes souvenirs, si vous la voyez revenir, dites-lui que mon cœur lassé vient de rompre avec le passé. Je tire ma révérence et m'en vais au hasard par les routes de France et de Navarre. Mais dites-lui quand même, simplement, que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi. Et voilà tout, j'avais sa préférence, j'étais son seul bonheur. Hélas, les apparences et le sort sont trompeurs. Un autre a pris ma place. Tout passe, tout casse, tout lasse. Tes grands mots, oh pourquoi? Non, dites-lui bonjour pour moi. Elle croit que j'ai beaucoup de chagrin. Aujourd'hui, non. Mais peut-être demain. Je n'ai plus d'espérance. Je remporte mon cœur par les routes de France ou bien d'ailleurs. Mais dites-lui quand même, simplement, que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi. Et voilà tout. On célèbre cette année les 20 ans de la disparition de Barbara. 20 ans déjà que la longue dame brune, comme l'a qualifié Georges Moustaki dans la chanson que nous allons écouter, 20 ans déjà qu'elle nous a quittés à l'âge de 67 ans seulement. Avec Brassens, Brel et Léo Ferré, Barbara faisait partie de cette génération de chanteurs issus du cabaret et qui était bien plus à l'aise sur scène qu'en studio d'enregistrement. Barbara avait réussi à créer une relation très forte avec son public. Elle l'avait fort bien évoqué dans sa chanson « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Aujourd'hui, c'est donc la chanson qu'avait composée pour elle Georges Moustaki en 67 que nous allons écouter. Et Georges, qui n'était alors pas encore connu du grand public, avait tenu à l'interpréter en duo avec elle. Donc voici la Dame Brune, une chanson qui ne fait pas ses 50 ans, je trouve. Dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, quelques couplets. Si jamais elle l'entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour pour elle et moi. Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi. Ta guitare de fortune guide mes pas. Pierrot m'avait prêté sa plume ce matin-là à ma guitare de fortune.

qu'il est de bon ton de se moquer de Francis Lalanne. Il est vrai que le personnage prête parfois à sourire et qu'il le donne souvent lui-même des verges pour se faire battre. Hein. Malgré tout, je trouve que Francis Lalanne a eu de très bonnes périodes dans sa carrière un peu chaotique. Ainsi, en 1987, il interprète avec beaucoup de talent la chanson du film Le Passage, une chanson que son frère Jean-Félix Lalanne avait composée pour ce film, qui était réalisé par René Manzor, un autre frère Lalanne. C'était vraiment une affaire de famille, ce film. Le Passage était le premier long métrage de René Manzor, il y a 30 ans de cela. Et 10 ans plus tard, en 97, René Manzor réalisera aussi Un amour de sorcière avec Vanessa Paradis en vedette. Aujourd'hui, c'est donc On se retrouvera, la chanson du film de Le Passage que nous allons écouter. Le Passage, un film dans lequel Alain Delon jouait le rôle principal. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Je t'ai dit, l'amour est plus fort que tout. Ni l'enfer ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes. Et après Francis Lalanne à 87, on passe aux années 90 avec la chanteuse américano-israélienne Noah, Akinoah Amnini de son vrai nom. Noah est née à Tel Aviv en Israël en 69. Quand elle a 2 ans, en 71, ses parents émigrent aux États-Unis, à New York. Mais Noah restera toujours très, très attachée à son pays de naissance, Israël, où elle devient très vite une vedette de la chanson, quand elle n'a encore que 22 ans, en 91. En 94, sa notoriété devient mondiale avec la sortie de la chanson « I Don't Know » que nous allons écouter tout à l'heure. En 98, alors qu'elle a 29 ans, Luc Plamondon et Richard Cocciante lui proposent le rôle d'Esmeralda dans le spectacle musical qu'ils sont en train de monter, Notre-Dame de Paris bien sûr, hein. Nous acceptons dans un Noah pardon accepte dans un premier temps et enregistre 3 titres pour l'album studio de référence qui se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires. Mais quand il est question de devoir monter sur scène, elle se ravise car elle redoute d'être tenue trop longtemps éloignée de ses enfants. C'est donc Hélène Ségara qui sera Esmeralda sur scène dans le spectacle Notre-Dame de Paris. Depuis 2009, l'année où elle se classe 7e au concours Eurovision pour Israël, Noah s'est faite beaucoup plus discrète et bien moins médiatique. On écoute donc aujourd'hui l'un de ses plus grands succès internationaux, c'est la chanson « I don't know ». Je ne sais pas en français. Je ne sais pas non plus où c'est d'ailleurs. Voilà, ici. is bright. I am strong, I can fight. But I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way on my own. But I don't know, I don't know, I don't know. I don't know why, I don't know how. If I can fly, can I fly now? Am I wings strong enough to bear the winds out there? Hey, I don't know. Flower, colored bright, I am strong, I can't fight, but I don't know. Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, a aujourd'hui 28 ans. Cette jeune Québécoise a connu le succès à 20 ans avec son premier album sorti en 2009. Un album où on retrouve les trois thèmes de prédilection de la chanteuse. Les hauts et les bas des relations de couple, ses histoires d'amour personnel et enfin les valeurs auxquelles elle est elle-même personnellement attachée. Sa voix singulière, qui rappelle celle d'une fillette, et ses nombreux tatouages font de son personnage quelqu'un qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, c'est la chanson phare du premier album de Cœur de Pirate qu'on va écouter. Elle a pour titre « Comme des enfants ». » vois comme tout se mêle. Et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant. Et nous n'avons plus rien à risquer, à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur ou l'œuvre un peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé, alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore, et toi tu m'aimes un peu plus fort. Je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Et à maintenant 11h18 sur l'horloge du studio de RQC, il est plus que temps pour moi de vous proposer ma courte séquence de musique classique de cette émission. La pièce musicale que je vais vous faire écouter, c'est le prélude de l'acte 3 de Lohengrin. Lohengrin, un opéra de Richard Wagner qui n'a été joué pour la première fois qu'en 1850, alors qu'il était terminé depuis plusieurs années déjà. Wagner avait alors 37 ans déjà. Lohengrin, le chevalier aux cygnes, c'est le fils de Parsifal. Parsifal, qui est d'ailleurs le titre d'un autre opéra que Wagner composera à la fin de sa vie. Dans l'opéra qui porte son nom, Lohengrin a été choisi pour défendre la duchesse Elsa von Brabant, qui était accusée d'un meurtre qu'elle n'avait pas commis. Lohengrin sort vainqueur du duel, style jugement de Dieu, qui l'oppose au chevalier qui accuse Elsa. Il lui laisse d'ailleurs la vie dans une attitude très chevaleresque. Et ensuite, Lohengrin épouse Elsa en lui faisant promettre de ne jamais l'interroger sur ses origines. Mais Elsa, curieuse comme le sont toutes les femmes, ne tient bien sûr pas sa promesse. Et Lohengrin doit repartir donc à son grand désespoir dans la nacelle tirée par les cygnes qu'il avait amenée dans la province du Brabant. Voici donc, comme promis, le prélude de l'acte 3 de ce célèbre opéra. C'est le New Philharmonic Orchestra, sous la direction de Sir Adrian Boult, qui va nous l'interpréter au début des années 70. Paul Jones a aujourd'hui 75 ans, son nom ne vous dit sans doute rien, mais peut-être connaissez-vous le groupe dont il était le chanteur pendant les années 60, il s'agit de Manfred Mann, Manfred Mann dont Paul Jones a été le chanteur donc de 63 à 67. À 25 ans, en 67, Paul Jones quitte le groupe pour entamer une carrière en solo. Et très vite, il veut aussi faire l'acteur. Et il joue le rôle principal dans le film Privilège du réalisateur anglais Peter Watkins. Dans ce film qui raconte la construction médiatique d'une pop star, jouée bien sûr par Paul Jones, Peter Watkins met l'accent sur l'hystérie quasi-religieuse qui se noue souvent entre la star et ses fans. Le film est un échec commercial et la carrière d'acteur de cinéma de Paul Jones s'arrête là. Il jouera ensuite pendant de nombreuses années pour la télévision anglaise dans la célèbre série Uncle Jack. Aujourd'hui, c'est le seul véritable succès que Paul Jones a eu en solo que nous allons écouter. La chanson en question s'intitule « I've been a bad, bad boy ». J'ai été un méchant garçon en français. You've got to face it, I'm a loser. I'm just a clown when I'm down. And while you sleep, I softly weep. I've been a bad, bad boy. Here come the night, we'll be alright. I've been a bad, bad boy. Just hold my hand, I'll take you where the sun and moon are always shining. One fine day you're gonna turn to me and see a silver. Et c'est donc avec Paul Jones que se termine ce huitième patchwork de la saison 2017-2018. Je vous rappelle que depuis 9h, c'est votre ami Michel qui vous tenait compagnie. J'espère que votre sélection d'aujourd'hui vous a bien plu et que j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine sur RQC, la dernière radio libre de la région de Boucheron. Nous serons alors le 21 novembre. Notre fréquence est le 95 FM, 95 si vous préférez. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine à venir et aussi une très bonne journée. Et je vous laisse, comme chaque semaine, avec la jolie musique du film L'été des Kikujiro, un film japonais de Takeshi Kitano, datant de 1999. La musique est de Joe Hisaishi. Ensuite, ce sera Hector, notre fidèle ordinateur, qui vous tiendra compagnie. Ciao à tous et à toutes, et à la semaine prochaine, j'espère.